t'as peut-être bien joué du Mozart, du Debussy. T'as peut-être fait des gammes du côté de Passy. Avant que l'on t'étreigne dans ce bar enfumé, vieux piano, t'as pas eu de veine, mais tu sers de la rengaine sans vexer. On t'a baptisé avec une bouteille de scotch. Sur ton acajou, on a fait des encoches. Et tes touches d'ivoire sont toutes roussies par la cendre des cigares. Maintenant, t'es vraiment notre ami. T'es chouette, tu flottes comme le vaisseau fantôme. T'es poète, puisque la nuit est ton royaume. Tu es pur, près de toi on redevient tout môme. Dans le buffet, t'as plein d'azur, oui. T'as peut-être joué du Mozart, du Debussy. T'as peut-être fait les gammes du côté de Passy. Avant que le blues te touche avec ses doigts d'or, toutes les nuits dans ce bar louche. Mais le matin, quand enfin tu t'endors, alors tu rêves que t'es dans une salle pliée en plein ciel. Tu donnes le concert éternel et les anges pour t'applaudir battent des ailes. Mais soudain tout se mélange, paradis, l'enfer, les basses et les salons. Mozart joue du jazz coiffé d'un chapeau melon. Enfin tu te réveilles, tu nous reconnais. Y'a ton cœur qui s'ensoleille au milieu des bouteilles, de la fumée. Tu t'étires et bravement tu recommences ta journée. Chambliya wa dmliya wa wa wa.